Chapitre 11e. La duchesse d'Ella Sorgan n'avait pas interrompu Wolfram. Son ironie polie, froide et acérée, allait droit au cœur de l'horrible femme. Mais douée d'une incroyable puissance de dissimulation et d'empire sur elle-même, lorsque les passions ne l'entraînaient pas, elle domina peu à peu ses terribles émotions, reprit son masque, et regardant fixement Wolfram avec un mélange de hauteur et de surprise merveilleusement joué, « En vérité, monsieur, je ne sais si je rêve ou si je veille. » Et redoublant de hauteur, toisant Wolfram d'un œil ferme et insolent, « L'audace incroyable de vos paroles me confond à ce point que je me demande encore si vous avez osé les prononcer. « Bon Dieu, madame, de quelle énormité me suis-je donc rendu coupable ?»« Il me paraît, monsieur, que bien que vous ne soyez, selon vous du moins, ni un fat, ni un niais, vous n'avez pas une idée fort nette des usages d'un certain monde. » Auriez-vous alors l'extrême obligeance, madame, de daigner à faire un peu mon éducation à cet endroit-là? J'y consens, répond la duchesse d'Ella Sorga en prenant son plus grand air de grande dame. Je dois donner une leçon de savoir-vivre à M. Wolfram. Cette leçon, il la recevra et elle lui sera profitable, je l'espère, ainsi qu'aux gens qui voudront bien le recevoir, car je n'ai point besoin d'ajouter qu'il ne peut à l'avenir se permettre de remettre les pieds chez moi. M. Wolfram est assurément désolé d'une pareille exclusion. Mais il supplie en toute confusion Madame la Duchesse d'Ella Sorga d'arriver à la leçon promise avec tant de bonne grâce, car il trouve cet entretien amusant au dernier point. « Cette leçon, la voici, » répliqua Madame d'Ella Sorga, livide de rage à peine contenue, car le froid persiflage de Wolfram la mettait hors d'elle-même. Madame la Duchesse d'Ella Sorga, ayant malgré sa première et très concevable répugnance, daigna agréer hier l'invitation presque impertinente que lui adressait le propriétaire de l'hôtel qu'elle loue, a bien voulu se rendre chez ce monsieur, et il a eu, paraît-il, la cervelle détraquée par cette marque de condescendance. Ce pauvre monsieur, malgré le détraquement de son cerveau, s'estime très heureux de conserver assez de lucidité d'esprit pour reconnaître et déclarer à Madame la Duchesse que tout ceci est de la plus grande force, et pour le sang-froid, et pour le jeu de la physionomie, et pour l'accent. Reprend Wolfram avec un hochement de tête admiratif. C'est très fort, décidément, c'est très fort. Ce monsieur poursuit, calme et imperturbable, cette mégère, qui en ce moment, s'il avait pu, aurait poignardé Wolfram. Ce monsieur, s'oubliant à ce point incroyable de voir dans l'honneur indigne, inespéré, que daignait lui faire Madame la Duchesse d'Ella Sorga, en tenant chez lui un commencement de relation d'égal à égal, a complètement perdu la notion des distances, et ce monsieur est devenu familier. Ce monsieur est devenu familier, est un excellent trait, s'écrie Wolfram. Il est d'un haut comique et du meilleur aloi. Ce matin, poursuit Madame d'Ella Sorga, dont le calme ne se dément pas, mais dont le regard devient effrayant, ce matin, se croyant autorisé à faire une visite à Madame la Duchesse d'Ella Sorga, ce monsieur s'est permis de se présenter chez elle. C'était témoigné d'une rare impudence et d'une grossière ignorance des usages. Madame la Duchesse d'Ella Sorga a bien voulu ne voir dans ce monsieur qu'un homme parfaitement mal élevé. Il devait sans doute aussi à l'éblouissement très concevable de son titre de propriétaire, titre qu'il croit probablement marcher de pair avec la grandesse. « Ah, j'aime moins cela !» répond Wolfram d'un ton légèrement désapprobateur. « Cette plaisanterie sur les propriétaires ne me semble pas de très bon goût. Mais sauf cette petite dissonance, tout le reste est irréprochable. Madame la Duchesse excusera cette observation uniquement dictée par l'amour de l'art. » Madame la Duchesse d'Ella Sorga s'abusait. Poursuit l'odieuse créature. Ce monsieur était, il est vrai, excessivement mal élevé, mais il était par surcroît d'une prodigieuse ignorance, si toutefois ce terme suffit à qualifier la plus outrageante des aberrations de l'outrecuidance et la sottise puisse jeter un homme. En un mot, interprétant avec une effronterie et une fausseté sans égale quelques paroles fort insignifiantes de Madame la Duchesse d'Ella Sorga, ce monsieur a simplement et modestement conclu qu'elle était amoureuse de lui. Ah, madame! Permettez-moi de vous exprimer ici et très sérieusement le sincère et profond regret que j'éprouve, s'écrie Wolfram d'un ton si pénétré, si convaincu, que Madame d'Ella Sorga, espérant l'avoir cruellement blessé, semble l'engager à parler. Il reprend. Oui, madame, en vous écoutant, j'éprouve le sincère et profond regret de penser que votre rang, votre naissance, enlève un admirable et prodigieux talent à l'art dramatique. Mon Dieu, je le sais, vous me répondrez à cela, madame. Que le monde est votre théâtre, c'est vrai. Que vous y jouez votre rôle à faire frémir. Mon Dieu, c'est encore vrai. Mais songez donc, madame, que malheureusement l'on ignore que vous jouez un rôle. Hélas, vous n'avez d'autres spectateurs que vous-même, et quels que soient les éloges que vous êtes en droit de vous accorder, vous perdez l'enivrante récompense du génie, ses applaudissements, ses ovations, ses triomphes, dont les comédiennes des autres théâtres sont si fières et si jalouses. Ah, madame, daignez écouter la prière de l'un de vos plus obscurs, mais de vos plus fervents admirateurs. Je viens, grâce à un bienheureux hasard, de voir se développer dans ces nuances infinies votre magnifique talent. Je vous en supplie, foulez aux pieds des préjugés vulgaires, ayez le courage de l'abnégation, sacrifiez-vous à cet art dont vous serez l'ornement et la gloire. Ne privez pas plus longtemps la scène de votre présence. Vous n'êtes qu'une grande dame, vous serez la plus grande des artistes de nos jours et... » Le majordome Bartholoméo, entrant alors dans le salon, interrompit Wolfram. Il était temps. La rage de Madame della Sorga, si péniblement contenue jusqu'alors, allait éclater. Égarée par la fureur, par la haine aussi, et contraste étrange, par son amour, car son désespoir et les mépris de Wolfram n'étouffaient pas cette passion forcenée. La duchesse s'était peu à peu rapprochée d'une table du salon où se trouvait un de ces bijoux poignards destinés à couper les feuillets des livres, et il pouvait devenir une arme meurtrière. Déjà la duchesse le saisissait d'une main convulsive, lorsqu'à la vue du majordome, elle retrouva en partie sa présence d'esprit. « Monsieur, dit Bartholoméo à Wolfram, en s'inclinant devant lui, votre intendant désire vous entretenir à l'instant d'une affaire très urgente. Il est de plus chargé pour vous, monsieur, d'une commission de la part de Madame Wolfram. » À ces derniers mots du majordome, entendus par Madame della Sorga, celle-ci, redevenue tout à fait maîtresse d'elle-même, et certaine que son dégratant aveu serait confié à Sylvia par Wolfram, sentit s'exaspérer la jalousie et la haine que lui inspirait la jeune femme. Wolfram, se rapprochant alors de la duchesse et la saluant, lui dit avec autant d'aisance que si leur entretien précédent n'était en rien sorti des termes ordinaires de la conversation. « Veuillez m'excuser, madame, si je prends un peu brusquement congé de vous, mais... »« Bartholoméo, » dit la duchesse della Sorga s'adressant au majordome avec un accent de dignité imposante et lui désignant du geste Wolfram qu'elle interrompt, « Regardez bien, monsieur, afin de le reconnaître au besoin. »« Excellence, » balbutie le majordome abasourdi, « il... Je... »« Regardez bien, monsieur, » répéta la duchesse, « et s'il se présente de nouveau chez moi, » vous lui répondrez que je ne suis pas visible. « Bravo, madame, » dit à demi-voix, et d'un air d'intelligence Wolfram à la duchesse. « La scène est complète. Ce dernier trait, la couronne. Bravissimo !» Puis Wolfram ajoute tout haut d'un ton pénétré en saluant profondément. « Ah, madame, combien j'étais loin de m'attendre à ce qu'un léger désaccord survenu entre nous, dans une discussion sur l'art théâtral, dût m'attirer de votre part un traitement si rigoureux. Mais croyez-le, madame, cette sévérité, que j'ose dire imméritée, n'altère en rien le respectueux souvenir de votre bienveillance passée. » Wolfram, sortant alors du salon, dit au majordome qui le précédait, « Eh bien, mon pauvre Bartholoméo, me voici chassé de chez votre maîtresse, pour avoir trop vanté le talent de votre admirable comédienne. » « Cela ne m'étonne point du tout, monsieur, » répond en souriant Bartholoméo. « Madame la duchesse est si rigide, que toutes les comédiennes lui font horreur, et son Excellence ne consent à aller entendre des opéras que parce que son directeur considère l'opéra comme un concert. Que voulez-vous, monsieur? Madame la Duchesse est une sainte, mais elle reviendra certainement d'un premier mouvement, et nous aurons, je l'espère, l'avantage de revoir, monsieur. Le ciel vous entende, mon digne Bartholoméo, répond Wolfram, allant rejoindre Tranquillin. Oh, misère, odio y amo, avait dit la duchesse tombant anéantie sur un fauteuil après le départ de Wolfram. « Oh, misérable que je suis! Je hais et j'aime !» Telle est la traduction de l'exclamation de Madame della Sorga.